Des moyennes, des bons à rien. Il faut pas de la marde. Oui, dans mon temps, on disait que les bons à rien, c'est du monde qui ramassait le canette vide, mais on fait des flics sur les bons à rien. Je sais pas pour évrier, mais non, mais je te supporte en tabarnak, par exemple. Ah oh, ouais, je te supporte sans le pantalon, Chris. On sait déjà, tout le monde est contre la police policière. En fait, moi, je manifeste contre le concept de la police. Je suis contre le concept de l'existence d'une police dans notre monde. Vous êtes en train de faire classiquement une agitation propagande qui consiste à tout mélanger avec des concepts flous en posant des questions stupides. Bienvenue avec la gang de Gang Dusty. Cette semaine, on s'est rendu à la DFR, l'espace social anarchiste dans Hochelaga, pour assister à une rencontre qui s'appelle Mexique, conflictualité, insurrectionnalisme et répression, et qui proposait une présentation sur les récents événements, le climat social et politique, la présence anarchiste et la répression au Mexique. On a donc rencontré un anarchiste qui a vécu au Mexique, et on vous propose ça aujourd'hui pour l'émission. On va débuter avec la présentation de certains événements marquants dans les dernières années. Pour accompagner cette première partie, on va écouter un groupe de rap libertaire qui s'appelle Lyrica Podrida avec la chanson Sin Miedo. Ils se définissent eux-mêmes comme des indigènes originaires de la ceinture de misère de la monstrueuse ville de Mexico. Si, si, si, es la Lyrica Podrida, 2HAK, ¿quién sino nosotros? Si. Como quisiera decirte que las cosas por acá andan bien y que no hay ninguna bronca, pero la verdad todo esto es un infierno. Estamos hartos de vivir en el destierro, de aguantar el maltrato policial, de pedir disculpas más e hincarse al oficial. No, ya no lo haremos, ya no queremos. Hoy decidimos darle fuego al puto imperio con bomba en el sistema, con graffiti ilegal. Ya no tenemos miedo, el presente es pa' luchar. Ya no tenemos miedo de tomar todas las calles, de hacer instituciones, hogueras de alto alcance. Ya no tenemos miedo de enfrentar al capital, de hacer de nuestras vidas un eterno luchar. Ya no tenemos miedo de mi rostro encapuchar, de cobrar a policía tanto daño y mucho más. Ahora abrazamos mucho más la libertad, hacemos de la noche nuestra eterna amada. Ya no tenemos miedo de perder lo que tenemos, pues ya nos han robado lo mucho que hoy deseamos. Ya no tenemos miedo de lanzar la primer piedra que rompa los esquemas de esta jodida tierra. Ya no tenemos miedo de escupir esta verdad que solo le refleja cómo vemos la vida. La vida que hoy llevamos respaldamos con fuerza, fuerza de nuestros puños y acciones por igual. Ya no tenemos miedo de ocupar espacios, no, de tomar todo su miedo y reivindicar expropiación. Ya no tenemos miedo de gritar mi enojo, no, de que sea mi rabia la que conozca al opresor. Ya no tenemos miedo de remar contra corriente, sabemos que la vida en este mundo es decadente, que todo tiene un precio, que todo tiene dueño, que todo está sellado y listo para su empeño. Se disminuyó el miedo, ya no hay miedo a enfrentarse a las calles. À partir de décembre 2006, le président Calderón annonce la guerre contre la drogue, puis intensifie la présence de l'armée dans plusieurs parties du Mexique pour, soi-disant, s'attaquer aux cartels et reprendre les territoires que ceux-ci contrôlent. Depuis, les opérations de l'armée ont eu pour effet d'intensifier les affrontements et les conflits entre les cartels, les guerres intestines et leur guerre pour les contrôles de territoire. On parle aujourd'hui de plus de 60 000 morts reliés à cette guerre-là. Certains estimés vont jusqu'à 100 000 en ajoutant les personnes portées disparues. Dans les populations des régions affectées, on dénonce aussi les abus de l'armée, comme des fouilles et des détentions arbitraires. De la violence, des atteintes à l'intégrité physique, de la torture, des cas de viol aussi. Puis ça s'ajoute en plus aux abus de toutes sortes que ces populations-là vivaient déjà puis qui n'ont pas d'aucune façon diminué de la part des cartels en complicité avec les autorités locales. Puis on peut peut-être regarder ce qui se passe dans l'état du Michoacán, un état à quelques heures à l'ouest de la capitale. C'est un état qui était particulièrement affecté par le déploiement des troupes puis les opérations de l'armée. En 2011, pendant que dans les grandes villes du Mexique, il y avait une série de mobilisations contre cette guerre à la drogue, ou la guerre contre la drogue. À Cheran, une petite communauté dans les montagnes du Michoacán, une petite communauté d'Autochtones Purépecha, se soulevait, selon leur dire. Depuis plus de 10 ans, les habitants de Cheran, pour qui la forêt environnante est sacrée, s'opposaient à de la coupe clandestine qui se faisait sur les terres. C'était des coupes clandestines qui étaient menées par un cartel avec la complicité des autorités locales, donc la police, la municipalité. Puis les gens qui s'y étaient opposés, dans le passé, s'étaient fait battre, certains sont fait séquestrer et même assassiner. Au mois d'avril 2011, il y a un groupe principalement de femmes et d'enfants qui décident de bloquer la route aux camions des bûcherons qui passent par leur village. À ce moment-là, les camions tentent de foncer sur la foule, puis la réaction a été forte de la part des habitants du village. Ils ont fini par brûler les camions et à retenir les bûcherons. Selon leur dire, les autorités locales ont ensuite tenté d'aider le cartel à libérer ses membres en les amenant à l'endroit où ils étaient retenus, mais les habitants de Cheran avaient placé à travers la ville des barricades enflammées qui protégeaient. Donc, peu après, les autorités locales ont abandonné l'endroit, apparemment par peur de représailles de la part de la communauté. Et la communauté s'est réorganisée sur ses bases traditionnelles, tout en organisant aussi des patrouilles pour protéger la forêt environnante de futures coupes clandestines et aussi pour se protéger eux-mêmes. Puis pour le moment, l'État a maintenu une posture de tolérance, mais dernièrement, la communauté a dénoncé des tentatives d'infiltration. À partir de ce moment-là, on voit surgir dans plusieurs régions, mais surtout dans l'État du Michoacán, et du Guerrero, juste au nord. Des milices locales qui sont dénominées comme groupes d'autodéfense. Et, l'action de ces groupes-là s'est intensifiée tout au cours de la dernière année. Ils ont occupé des places, les places publiques, des bureaux municipaux. Ils en général désavouent les autorités locales. Parfois, ils désarment la police. Ils érigent des barricades sur les autoroutes. Et ils s'affrontent directement avec les cartels. Plus récemment, certains de ces groupes ont fait des avances sur d'autres municipalités avoisinantes avec des équipements de plus en plus sophistiqués. Ces groupes de milices-là sont variés. Selon leur propre dire, ils sont soutenus par les populations locales, puis par des entrepreneurs ou des élus locaux municipaux, par la collectivisation de ressources d'agriculteurs de la région, par l'envoi d'argent de gens de la région qui sont immigrés aux États-Unis. Il y a aussi eu, au cours de l'année, des allégations d'infiltration de ces groupes d'autodéfense-là par le cartel Nueva Generación, qui est un compétiteur du cartel Caballeros Templares, qui est celui qui est la cible en ce moment des milices au Michoacán. Pour leurs armes, pour leur équipement, ils disent qu'au début, ils s'affrontaient avec des armes de chasse, mais qu'à mesure des batailles, au fil des batailles, ils sont armés avec l'armement abandonné par l'équipement et l'armement abandonné par les cartels. Certains disent qu'ils ne savent pas d'où viennent les armes, mais que d'autres s'arrangent pour les procurer. Certains disent aussi avoir l'appui d'officiers de l'armée, ce qui est devenu un peu évident quand même au mois de janvier dernier, lorsque le gouvernement a ordonné le désarmement des groupes d'autodéfense. Il y a eu quand même des affrontements entre certaines milices locales et l'armée, avec des arrestations et même des morts dans certains cas. Il y a certaines milices qui ont vite déclaré qu'il s'agissait d'un malentendu. Puis on a par la suite pu voir comme plusieurs manœuvres conjointes entre l'armée et certains groupes d'autodéfense. Puis ça, alors que certains groupes qui prônaient l'autodétermination comme solution de base aux problèmes qu'ils vivent, se sont fait désarmer et emprisonner, comme ce fut le cas au mois d'août au Guerrero. Le secrétaire de l'État public là-bas dénonçait l'influence des guérillas marxistes comme l'EPR, qui lui dénonce les groupes d'autodéfense comme étant des groupes paramilitaires de l'État. Donc récemment, le gouvernement a offert aux milices du Michoacán de s'institutionnaliser. Donc certaines d'entre elles seraient intégrées comme corps de policiers ruraux. Ça serait pas surprenant de voir dans le futur aussi des intérêts multinationaux ou même des partis nationaux faisant partie des financiers indirects de ces milices. Ceux-ci ont une certaine expérience dans le domaine quand même. Le Mexique n'est pas à court de paramilitaires, surtout où il y a des conflits territoriaux ou des communautés qui s'opposent à des projets d'extraction de ressources. Les endroits où surgissent les milices en ce moment n'est pas sans conflit de ce genre. Quiero decirte cómo es que corre la vida, como el humano y solo es una mercancía, solo una máquina ocupada para producir, bien programada consumiendo hasta morir. Quiero que veas cómo avanzan los problemas, cómo es que empeora todo lo que nos rodea, la indiferencia y que todo te dé lo mismo. Tu vida es motivada solo por el consumismo. Quiero que veas cómo el mundo está podrido, y si no haces nada también te pudres, mi amigo. El cambio es uno mismo y aunque es complicado, mejor caer luchando que vivir esclavizado. Hoy se ha acabado todo el temor de antaño, todo ese miedo a los que han hecho tanto daño. Hoy día empuño el coraje de los míos, hoy doy la cara por las que son combativas. Lo digo y sigo por todas las valientes que dan la guerra al Estado y sus sirvientes, que hoy día se atreven a enfrentar al enemigo, formas diversas pero siempre decididas. Se acabó el temor, se acabaron los pretextos, resiste y lucha, ahora el combate es directo, pues ahora el miedo es dominado por nosotras. No importa el número, aquí pocas pero locos, vence el temor que tienes a la autoridad, pa' combatirla y alcanzar la libertad. Ve sin piedad contra cualquier uniformado, armado hermano solamente con tus manos, porque aquí el destino se forja con los puños, encapuchado sin dar tregua a este mundo. La guerra es permanente, el conflicto somos todas, para cambiar la realidad, ¿quién sino nosotras? Pinche gobierno me tiene hasta la madre, mi hermano. Vous êtes toujours à l'écoute de Gang Desti sur CKUT en profondeur. On poursuit avec la présentation sur le contexte social et politique au Mexique, avec l'émergence de groupes de résistance, de mouvements sociaux et d'actions directes. Et on va écouter à la suite de ça une rappeuse hip-hop chilienne qui s'appelle Belona MC, avec la chanson Ira del Fuego de l'album Libres Salvares. Pour remettre certaines choses en contexte, je commencerai en parlant de ce qui s'est passé à Atenco. Atenco, c'est une petite communauté dans l'État du Mexique qui entoure la capitale fédérale. Elle s'est faite connaître surtout en 2002 lors d'un projet d'aéroport international dans la région. En particulier, un groupe qui s'appelle Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, donc le Front des Peuples en Défense de la Terre, qui s'est mobilisé autour du projet. Le projet a fini par être abandonné vu l'ampleur de la résistance. Donc là, j'arrive le matin du 3 mai 2006. À Texcoco, qui se trouve à côté d'Atenco. Il y a un groupe de vendeurs de fleurs qui se font empêcher de s'installer dans un marché par la police. Certains se font arrêter et violenter. Ils accourent chercher l'appui auprès des gens d'Atenco, comme des intégrants du Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Dans les heures qui suivent, il y a un blocus sur l'autoroute fédérale à côté d'Atenco. Le blocus est attaqué par 200 policiers environ. Pendant l'opératif policier, il y a un jeune de 14 ans qui est atteint par balle et qui meurt. La nouvelle court dans la ville, puis aussitôt la rage déferle vraiment dans la rue. Les gens chassent les policiers avec des machettes, des roches, un peu tout ce qui leur tombait sous la main, en fait. Les images des gens attaquant la police passent en boucle sur tous les médias, avec les journalistes appelant en unisson à l'envoi de renforts et la remise en place de l'état de droit. Les affrontements avec la police durent jusque dans la nuit. Pendant la nuit, vers le matin, il y a à peu près 3500 effectifs policiers qui sont déployés autour de Tenco. Ils rentrent dans la ville, ils brisent les portes, les fenêtres, rentrent chez les gens, les gens se font battre chez eux, ils se font détruire leurs choses, certains se font voler de l'argent même, et aussi, dans certains cas, il y a des cas de viol qui ont été rapportés. Il y a eu plus des estimés un peu plus conservateurs, là. Il y a eu plus de 150 arrestations arbitraires, et plusieurs cas d'abus de toutes sortes là, contre les arrêtés, de la torture physique, psychologique pendant qu'ils étaient en détention et de nombreux cas de viol. Ensuite, quatre personnes ont été reconnues qui sont reconnues comme des intégrants de la Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, ont reçu 67 ans et demi de prison. 10 autres personnes ont reçu 32 ans de prison, tous pour avec des accusations de séquestration. En 2010, ils ont tous été libérés à cause de fausses preuves et d'irrégularités dans leur cas. Donc, ils ont été libérés par la Cour suprême. À ce moment-là, c'est Enrique Peña Nieto, l'actuel président, qui était à ce moment-là le gouverneur de l'État de Mexico. Peña Nieto, pardon. et à partir de plusieurs années avant les élections, est présenté comme le futur candidat préféré. Là. En gros, les médias le présentent comme leur futur candidat. Il y a beaucoup plus de place dans les médias que les autres. Puis il est présenté un peu comme l'homme pouvant peut-être approfondir les réformes néolibérales entamées par son parti dans les années 80-90, lorsqu'il était encore au pouvoir, son parti le PRI, le Parti de Révolution Institutionnelle. Ça m'amène au mouvement Yo Soy 132. Lors de la campagne présidentielle de 2012, Enrique Peña Nieto rend visite à l'Université Iberoamericana à Mexico. Pendant son intervention, il était interpellé à propos de ce qui s'est passé à Atenco et sa réponse tourne autour de comme quoi qu'il devait réinstaurer l'état de droit malgré quelques dénonciations d'abus. La foule se met à l'invectiver, il réussit à sortir de l'université. Dehors, il y a une manifestation qui l'attend. Cet événement-là, ensuite, dans les médias, a été présenté par des membres de la coalition électorale comme un événement qui est organisé par les partis de gauche opposés à leur candidat. Puis aussi, il affirme que les personnes qui étaient présentes, c'était pas des étudiants de l'université. Ensuite, il y a une vidéo qui apparaît sur Internet. Il y a 131 personnes qui présentent dans ce vidéo-là leur carte d'étudiant de l'université en se nommant, en disant qu'eux sont des étudiants de l'université, un peu pour contredire ce que les policiers avaient dit. À partir de ce moment-là, il y a un mouvement qui se crée autour de ça, qui s'appelle Yo Soy 132, 132 étant comme le 132e personne qui n'est pas dans la vidéo, qui serait tout le monde qui veut se revendiquer de ce mouvement-là. Le mouvement Yo Soy 132 se présente comme un mouvement étudiant. Il dénonce le biais médiatique pendant l'élection. Il organise un troisième débat aussi des candidats électoraux dans lequel Peña Nieto a pas participé. Puis c'est ils organisent leurs événements à partir des médias sociaux. Puis se proclame aussi à ce moment-là le printemps mexicain. Donc beaucoup d'assemblées et de manifestations sont organisées. À ces manifestations-là, on se revendique de citoyennisme, de la démocratisation, du droit à l'information. Le mouvement se déclare comme un mouvement sans dirigeant, expressément pacifiste. C'est un peu l'équivalent, je dirais, des Indignados en Europe ou d'Occupy en Amérique du Nord. En gros, c'est un mouvement de la gauche réformiste. Il y a eu par la suite un peu des scandales autour des porte-parole de ce mouvement-là, certains étant accusés d'être des militants de parti. Il y en a un qui a eu un scandale autour de lui, comme quoi qu'il voulait enregistrer Yo Soy 132 comme une marque de commerce. Mais comme prévu, Peña Nieto gagne l'élection en 2012, ce qui annonce le retour du PRI au pouvoir, le parti qui avait dirigé le pays pendant presque 80 ans, là, jusqu'en 2000. En décembre 2012, il y a eu les plus grosses émeutes que la capitale du Mexique est connue depuis longtemps. Il y a eu beaucoup de destructions de propriétés, des affrontements, des saccages pendant l'investiture de Peña Nieto comme président. Il y a eu une centaine de détenus, plusieurs blessés chez les manifestants et les policiers. À partir de là, les autorités puis les médias prennent beaucoup note de la présence de groupes anarchistes dans les manifestations, les accusant des méfaits et aussi en tentant de les confondre avec le mouvement Yo Soy 132. La même situation, mais moins intensément, s'est répétée au cours de l'année 2013. Il y a eu plusieurs occupations, manifestations autour des réformes impulsées par Peña Nieto. Notamment, il y a eu la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, qui est un syndicat de professeurs qui ont beaucoup mobilisé contre la réforme de l'éducation. Il y a eu aussi des journées de commémoration, qui sont à chaque année des journées importantes, de mobilisation importante. Donc le 10 juin pour commémorer ce qu'ils appellent au Mexique le Halconazo et le 2 octobre pour commémorer le massacre de la Plaza Tlatelolco, qui sont deux dates qui commémorent les abus ou la répression du gouvernement contre le mouvement étudiant des années 60-70. Donc là, dans toutes ces manifestations-là, c'est encore, comme je disais, la présence de groupes anarchistes est notée par les autorités, par les médias, et dénoncé aussi par plusieurs personnes. Il y a certains communiqués anonymes qui sont apparus sur Internet revendiquant la présence anarchiste dans les mobilisations, tout en se dissociant des groupes réformistes qui s'y trouvent et en se réclamant d'une lutte contre le système de domination en son ensemble et par tous les moyens. Il y a plusieurs personnalités de la gauche intellectuelle mexicaine qui sont joints un peu en unisson pour dénoncer les anarchistes comme des agents infiltrés, soit comme des délinquants, des criminels organisés, avec en tête l'écrivaine Elena Poniatowska, qui est une figure de la gauche, une personnalité de la gauche très connue au Mexique. Elle s'est fait connaître surtout pour ses écrits sur la répression du mouvement étudiant des années 60-70. Elle a déclaré que personne savait qui étaient les cagoulés, qu'on appelle là-bas, les encapuchados, les jeunes qui se couvrent la tête avec un chandail, avec une cagoule, etc. Donc elle a dit que personne savait qui sont les cagoulés, qui frappent tout le monde, on devrait pas les appeler des anarchistes, on devrait les appeler des malfaiteurs ou des terroristes. Les anarchistes, selon elle, sont des exemples qu'elle a donnés, selon elle, sont des anarchistes morts, Donc, elle a mentionné que ces anarchistes aujourd'hui n'avaient rien à voir avec des anarchistes comme Durruti ou Flores Magón, qui d'ailleurs sont des anarchistes qui ont tous appuyé, participé des insurrections armées. Il y a aussi une réaction prévisible de la part des autorités. En ce moment, il y a des projets de loi. Il y a un projet de loi dans la capitale, dans le district fédéral, pour encadrer les manifs, pour, par exemple, essayer de ne pas les permettre sur les voies principales, et aussi des mesures comme les faire intégrer par des brigades, la Coordinadora de Derechos Humanos, qui est un organe des droits humains, mais qui est un organe du gouvernement, qui est souvent dénoncé comme complice des abus, dans le sens où, par exemple, ce qui se passait à Oaxaca en 2006, la Coordinadora de Derechos Humanos, elle disait qu'il ne se passait rien à Oaxaca, alors qu'il y avait des morts, et que c'était internationalement, ça faisait partie des nouvelles des médias internationaux. Il y a aussi une réforme des lois antiterroristes en ce moment, dont je n'ai pas beaucoup de détails, mais la gauche institutionnelle a dénoncé ça comme une tentative de criminalisation des manifestations et des mouvements sociaux au Mexique. Il y a aussi, peut-être plus récemment, le 19 décembre dernier, il y a eu aussi la réoccupation de l'auditoire Che Guevara à la UNAM par des anarchistes. Donc, ils occupent l'auditoire pour en faire un espace collectif où les gens peuvent aller proposer des projets. Il y a eu, à cet endroit-là, du 27 au 29 décembre, un événement qui s'appelait Jornadas Informales Anárquicas, où ils ont invité des gens comme Alfredo Bonanno et Gustavo Rodriguez. Je mentionne ces deux-là parce que Bonanno, en arrivant à... Bonanno, qui est un écrivain anarchiste connu, en arrivant à l'aéroport de Mexico, s'est fait déporter à son arrivée. Gustavo Rodriguez, lui, a pu donner sa conférence ou a pu participer dans l'événement qu'il devait participer. Mais il a tout de suite, en quittant l'événement, a disparu pendant quelques jours. Personne ne savait où il était, il n'a pas donné de signe de vie. Jusqu'à quelques jours plus tard, où on a su qu'il avait été déporté aux États-Unis. Lui, c'est un anarchiste exilié cubain qui vit aux États-Unis. Donc, il a été déporté aux États-Unis. Lui, il a dénoncé qu'il avait été mis sous interrogation. Il a dénoncé qu'il avait été battu. Il y a deux publications anarchistes mexicaines qui ont tenté de faire des chronologies de toutes ces actions-là. Puis on peut, à partir de leur chronologie, compter depuis peut-être, justement, comme je disais tantôt, 2008, là, des centaines d'actions différentes. Là. Autant des actions directes comme ça, mais aussi des actions spontanées, comme des barricades spontanées sur les routes. Hija del fuego, la reencarnación de aquellos que no tuvieron voz y sus rastros se consumieron. Soy hija del fuego, por eso no me quemo. La estructura, la historia de nuestros compañeros. Soy hija del fuego, la reencarnación de aquellos que no tuvieron voz y sus rastros se consumieron. Soy hija del fuego, por eso no me quemo. La estructura, la historia de nuestros compañeros. Sus manos sudan al escuchar tanta verdad. Quiero bombardear la moneda como sinónimo de Al-Qaeda. Ya vamos, compa, dejé de un lado el temor. Sigo la desobediencia porque me hace sentir amor que renace en mí. Despierta mi sexto sentido. Me enamora cada día. Pa' mí dejó de ser utopía. Me dan ganas de matar a quien se cruce mi vía. Me dan ganas de quemar a empresa junto a su CIA. Soy una hija más del fuego. Mi madre el viento que muestra su furia y la brisa del descontento. Y así demuestra afecto y dispara a cada insecto. Quien quiera dañarme o va en contra mis sentimientos. Esta es mi ley y no la del más fuerte. Prendo mechas y motines. Van directo hacia la frente del enemigo. Entre sangres y gritos del enemigo que liga su propio castigo. El frío de la calle llama al genocidio que va sin Dios, pero se dio un nuevo puesto, un homicidio. El club de Bilderberg es parte ya de lo dicho. Destrucción, innovación y la ambición no es un capricho. Anónima, me siento ánima, no tener ni un ama. Perteneciente a la raza esclava me da asma. vuelta enamorada. Tengo miles de motivos para seguir encapuchada. Y me sigues preguntando por qué me organizo a defender el pueblo que los bancos lo deshizo. Mientras usted ni lo tangible ve, se hacen los sordos y los ciegos para no sentir estrés. En su vida cotidiana vive de inseguridades tales como usted las arme, la desarme. Para ello es igual beneficiable. Soy hija del fuego, la reencarnación de aquellos que no tuvieron voz y su rastro se consumieron. Soy hija del fuego, por eso no me quemo a estructurar la historia de nuestros compañeros. Soy hija del fuego, la reencarnación de aquellos que no tuvieron voz y su rastro se consumieron. Soy hija del fuego, por eso no me quemo a estructurar la historia de nuestros compañeros. Somos parte del pueblo, no nos traten de infiltrado. Nos miran con odio porque provocamos caos. Vamos libres y salvajes con el puño levantado. Están contra el lucro y le cuidan a los privados. Quieren apagar el fuego de mi alma, es imposible. Me sumen el estallar, súmate, es irresistible. La chispa no ilumina el camino victorioso, mientras la nube negra destruye lo imperioso. Es la resistencia que me exige ser valiente, dar cara a cada asunto, hacer unir al oponente. La razón es libre, pobre del que no la tiene. Lo domina la corriente, lo consume lentamente. Apesta tu reglamento, escuche bien señor sargento. El movimiento de mi pueblo se ejerce a lo violento. El nacimiento de mi patria nunca tuvo nombre. Se apoderan unos hombres como lo hicieron con el cobre. Mis armas dan colores a los carros detenidos. No es delito defender lo necesario requisito. Pelear por el bienestar en general no es dañino. Autodefensa hacia los pagos mientras usted está sentadito. Soy hija del fuego, la reencarnación de aquellos que no tuvieron voz y su rastro se consumieron. Soy hija del fuego, por eso no me quemo a estructurar la historia de nuestros compañeros. Soy hija del fuego, la reencarnación de aquellos que no tuvieron voz y su rastro se consumieron. Soy hija del fuego, por eso no me quemo a estructurar la historia de nuestros compañeros. Toujours à l'écoute de Gang Desti dans l'émission En Profondeur, on vient d'écouter Bellona MC. On poursuit sur la présentation du contexte social et politique au Mexique en parlant de la répression et la situation de certains prisonniers prisonnières arrêtés récemment. Et on va finir avec l'écoute d'un band latino-anarcho-punk qui s'appelle Asco, avec la chanson Policia, qui a été écrite à la suite d'une arrestation brutale et abusive à Montréal. Je pourrais peut-être prendre un moment pour mentionner le cas de certains prisonniers récents. Le 5 janvier dernier, au Mexique, 3 personnes arrêtées en lien avec une attaque sur un concessionnaire Nissan et aussi sur le secrétariat des communications, qui serait comme le ministère des communications. Suite à leur arrestation, le secrétaire de sécurité publique du district fédéral a déclaré qu'un rapprochement entre les services de renseignement mexicains et l'Institut national de l'immigration qui facilitait l'enquête sur le cas d'étrangers qui font de la délinquance au Mexique. Il y a 2 personnes des arrêtés qui ont été identifiées comme canadiennes. Donc à ce moment-là, le secrétaire de la sécurité publique en profite pour dénoncer ce qu'ils disent comme des informations comme quoi qu'il y a de la participation de plusieurs étrangers dans les manifestations et des événements atteintes politiques au Mexique. C'est important, je pense, de comprendre aussi que selon la constitution mexicaine, les étrangers ne sont pas permis de participer d'aucune façon dans la politique au Mexique. C'est un argument qui est souvent utilisé un peu un argument anti-impérial, mais aussi qui est utilisé dans un discours populiste nationaliste. El Proceso, qui est une revue progressiste à tirage national, la même journée, en publiant la nouvelle de la conférence de presse du secrétaire de sécurité publique, publiait immédiatement à la suite un article au nom de « Les anarchistes appellent à attaquer des cibles humaines », où il publiait aussi des extraits d'un communiqué venant des cellules de Grèce emprisonnées pour l'événement dont j'ai mentionné tantôt, qui avait lieu à la fin décembre. Donc les médias ont pris des parties de ce communiqué-là, les ont publiés un peu hors contexte, et ont pris les moments les plus agressifs, les plus nihilistes là, du communiqué. Ces personnes-là sont encore en ce moment détenues sous arraigo, qui est une garde à vue, qui est utilisée pour garder des détenus pendant qu'on les enquête, donc sans possibilité d'une caution. Ça peut aller jusqu'à... Dans certains cas, il y a eu des cas où ça a été jusqu'à 90 jours. Il y a aussi le cas de Mario Lopez, récemment. Donc, Mario Lopez, lui, il a été arrêté le 27 juin 2012, après avoir été trouvé sur le lieu d'une explosion. Donc, lui a été blessé par l'explosion d'une bombe artisanale. Donc, c'était devant un guichet automatique. Alors qu'il se trouvait encore à l'hôpital sous anesthésie après son opération, il a été interrogé intensément par la police. Puis, à ce moment-là, il a accepté la responsabilité de l'action et d'une autre explosion qui avait eu lieu plus tôt sur un édifice de la Commission fédérale d'électricité, la compagnie d'électricité publique. Tout le long de l'enquête ou tout le long de son arrestation, il a refusé de collaborer avec l'enquête. Il a aussi mentionné qu'on lui avait offert 3 ans de moins pour être un collaborateur. Lui, il a toujours dénoncé qu'il ne reconnaissait pas l'autorité de l'État, mais qu'il a accepté quand même l'aide d'avocate pour se défendre devant la justice. C'était un groupe d'avocats sous le nom de Grupo de Abogados en Solidaridad con los Presos Anarquistas, donc un groupe d'avocats en solidarité avec les prisonniers anarchistes. Lui, il les a décrits dans ses lettres comme des camarades anarchistes. Elles ont été ont dénoncé de l'harcèlement et des menaces de la part de policiers et de fonctionnaires du système juridique, ainsi que ils se sont fait prendre à leur insu en photo là, à l'extérieur de leur domicile. Mais Mario Lopez a toujours maintenu une posture contestataire en prison. Puis il a maintenu aussi des correspondances avec d'autres prisonniers anarchistes à travers la planète, dont justement des groupes de guérilla urbaine en Grèce. Il est sorti de prison en décembre avec une caution de 7 000 $. Et en ce moment, il doit se présenter là, pour une signature à chaque semaine. Le 20 janvier dernier, il a été détenu encore une fois pour interrogation et il a été relâché quelques jours plus tard. Ce qu'on sait, c'est qu'il a été interrogé sur un cas, une enquête en cours en ce moment au Mexique. Mais lui, il est toujours en procès. Là. Ils ont trouvé un sac à dos à l'endroit où ils l'ont trouvé, à Mario, le 27 juin, avec le passeport d'une Australienne du nom de Felicity Ryder. Elle vit en clandestinité depuis ce moment-là. Elle a écrit des lettres à partir de la clandestinité où ce qu'elle disait n'avoir jamais été arrêtée, parce qu'il faut savoir qu'au début, les enquêteurs disaient à Mario comme quoi qu'il l'avait arrêtée, qu'elle avouait tout. Mais apparemment qu'elle n'aurait jamais été arrêtée, puis elle vit en clandestinité depuis le 27 juin là, 2012. Elle est aussi en enquête au Chili parce qu'elle aurait été là en 2012. Il y a un autre cas vraiment intéressant, le cas de Mario González. Mario González a été arrêté à bord d'un autobus avec 10 autres personnes le 2 octobre lors de la journée des manifestations pour commémorer le massacre de Tlatelolco. Il a été accusé d'attaque à la paix publique et aussi de banditisme. C'est en fait les mêmes accusations qui pèsent contre Mario Lopez. J'avais oublié de les mentionner. Quelques jours après leur arrestation, lui et les 10 autres personnes, il y a eu une caution de 13 000 $ qui a été payée. Les autres personnes... Une personne avait déjà été relâchée faute de preuves. Ou juste une personne qui n'avait rien à voir, qui a pu prouver qu'elle n'avait rien à voir au moment où elle était arrêtée. Les 8 autres sont sortis à ce moment-là avec la caution. Mario González, quand ils l'ont sorti, l'ont fait rentrer par une autre porte. Encore. Donc, il n'a jamais vraiment sorti de la prison. Ce qui a été dit ensuite, c'était qu'il était accusé. Il y avait un autre mandat contre lui. À partir de ce moment-là, il a entamé une grève de la faim qui a duré plus de 50 jours. Il y a eu une grosse campagne internationale de solidarité Il y a eu quand même une campagne des droits humains. Lui, Mario González, dans ses lettres, a fait un rapprochement avec le mouvement étudiant, entre lui et le mouvement étudiant. Donc, il se revendique plus proche des mouvements sociaux, là, plus de gauche là, au Mexique, ou en solidarité, en fait, avec les mouvements sociaux au Mexique. Il y a même eu, je pense, une lettre là, de Noam Chomsky, par exemple, aussi El Proceso. On parlait de son cas, on dénonçait des irrégularités qu'il y avait dans son cas, pardon. Lui, le 10 janvier, il a reçu une sentence de 5 ans et 9 mois, même si la juge a mentionné qu'il n'y avait aucune preuve matérielle. Donc, à cause de la gravité des accusations de banditisme, qui serait comme une accusation d'association à une organisation criminelle, il n'y a pas de possibilité là, de caution... pour lui. Aussi, la juge avait empêché une caution avant, en alléguant qu'il y avait des dangers pour la société et aussi de fugue dans son cas. Il y a eu d'autres prisonniers le 2 octobre. Il y a eu une souricière où il y a eu 50 personnes qui ont été détenues. De ces 50 personnes-là, il y a 8 personnes qui sont toujours détenues pour accusées d'attaques contre la paix publique et de banditisme, sans possibilité de caution, justement. C'est des accusations qui sont utilisées souvent pour criminaliser les groupes sociaux, mais ils proviennent de la guerre contre les criminels, les cartels, les groupes organisés, mais ont l'air d'être plus utilisés effectivement à criminaliser les mouvements sociaux. Cette émission en solidarité avec toutes les personnes emprisonnées au Mexique et partout ailleurs contre la répression. Spéciale dédicace à tous et toutes les insoumises. C'est ce qui termine la chronique de Gangnesty. On se retrouve une prochaine fois pour la suite. Et les prochaines chroniques vont porter sur l'itinérance avec des témoignages de personnes qui vivent ou qui ont vécu dans la rue.